de Jehode Ham, le distillateur de mots. Participation au défi métier proposé par Amélie avec un clin d'œil à l'œuvre de Jean-Jacques Delamarre, le dégustateur de rêves. Contributeur de Atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan, sous licence CC BY-NC-ND. Le distillateur de mots. Pas moyen de garder le moral. Tous les mots écrits sont mornes, monotones, morbides, moroses, moches, tristes à mourir, ou bien moqueurs, mou, moites, moisis, mortels. Tout pour démobiliser, démoraliser, démolir. Ainsi sont les mots dits en ce moment. Mordicus. Alors que vienne le distillateur de mots, cet artiste ou artisan qui va articuler, désarticuler ces symboles qui frappent l'oreille, tâchent la feuille, tranchent dans les relations et opinent du bonnet. Dans son savant alambic, il va déverser tous les mots qu'on va lui apporter, les mûrs, les crus, les doux et sucrés, les déjà alambiqués, les contournés ou détournés, les réduits en lettres éparpillées et cornées, les alphabets étrangers et les accents d'ailleurs. Dans ces curcubites, ces serpentins, ces chapiteaux et autres signes au collet monté, tous les mots vont mijoter, se rencontrer, se mélanger, retrouver force et caractère, essence littérale et embrun d'âle blonde. Tous les sens seront à la fête, dans une euphorie enivrante, mais pas saoulante, n'est-ce pas l'essentiel? Enfin, au terme d'une lente et ferme tentation, le distillateur de mots vous délivrera une goutte de sa potion magicienne à humer, à déguster, à inspirer, avant que n'expire l'éphémère fragrance si diaphane. S'il vous en reste quelques souvenances, laissez filer les mots sur votre papier. Ici se termine le distillateur de mots de Jehode Ham. Illustration musicale de Pascal Krieg. New Point. Tout droit réservé.